Pourquoi l'historien ne peut pas être un juge ? En 1945-1946, lors des procès de Nuremberg contre les criminels nazis, de nombreux experts furent sollicités par les procureurs, notamment pour comprendre les racines de l'antisémitisme. Toutefois, comme ces procès eurent lieu immédiatement après les faits, en présence des principaux acteurs ayant été les auteurs ou les victimes de ces crimes, aucun historien ne fut appelé à la barre. Mais il y a une trentaine d'années, les procès intentés à Klaus Barbie, Paul Touvier et Maurice Papon pour des crimes contre l'humanité commis à l'époque du nazisme ont confronté les juges à une dimension inédite de leur fonction. Étant donné que ces crimes s'étaient produits un demi-siècle plus tôt, les juges, les avocats, les jurés ignoraient pour la plupart le contexte dans lequel les faits examinés s'étaient produits parce qu'ils en étaient trop éloignés dans le temps. Voilà pourquoi l'accusation ou la défense ont souhaité faire appel à l'expertise des historiens. Dans le cas français, ce fut surtout le cas lors du procès intenté à Maurice Papon, inculpé pour avoir organisé la déportation des Juifs de la région bordelaise. Une demi-douzaine d'universitaires renommés, spécialistes de la question, furent alors auditionnés comme témoins. Ces sollicitations de la justice ont suscité de vives discussions au sein de la profession historienne. L'extrême médiatisation de ce procès a alimenté des passions peu compatibles avec la sérénité qu'exige l'exercice de la justice. Des représentants d'associations de victimes, des journalistes, des avocats ont parfois présenté ce procès comme l'occasion d'écrire une histoire qui avait été occultée jusqu'ici, ce qui était une manière d'interpeller les historiens. Comment concilier le rôle d'expert ou de témoin que ces derniers étaient appelés à jouer au cours d'un tel procès avec les exigences d'objectivité ou tout au moins de neutralité qu'imposent les règles de la science historique? Comment échapper à la manie du jugement que déplorait Marc Bloch en son temps quand il faut répondre à une question posée par un juge? Comment assumer correctement une fonction d'expertise alors que l'historien, à la différence du psychiatre assermenté, n'a aucun moyen d'accéder au dossier concernant la personne inculpée? Est-ce que la description générale qu'il est capable de proposer pour expliquer le contexte de l'époque peut s'appliquer au cas particulier jugé par la Cour ? Considérant qu'il ne pouvait pas répondre à toutes ces questions de manière satisfaisante, plusieurs historiens sollicités par la justice ont décliné l'invitation. Ceux qui ont accepté de participer à ces procès ont justifié leur choix en affirmant qu'on ne leur demandait pas de juger les individus inculpés, mais surtout d'éclairer la Cour sur la politique générale du gouvernement de Vichy. Ils ont considéré qu'en dépit des limites et des écueils, la présence de chercheurs dans un processus de justice permettrait aux protagonistes de prendre un peu de recul par rapport au schéma dualiste accusation-défense. Le fait d'éclairer le contexte d'une époque révolue pourrait aussi aider les juges à mieux comprendre les raisons d'agir de ceux qui étaient inculpés pour des crimes contre l'humanité commis un demi-siècle plus tôt.